Approuvez ma faiblesse et souffrez ma douleur. Elle n'est que trop juste en un si grand malheur. Si près de voir sur soi fondre de tels orages, l'ébranlement sied bien au plus ferme courage, et l'esprit le plus mal et le moins abattu ne saurait sans désordre exercer sa vertu. Quoique le mien s'étonne à ces rudes alarmes, le trouble de mon cœur ne peut rien sur mes larmes. Et parmi les soupirs qu'il pousse vers les cieux, ma constance, du moins, règne encore sur mes yeux. Quand on arrête là les déplaisirs d'une âme, si l'on fait moins qu'un homme, on fait plus qu'une femme. Commander à ses pleurs en cette extrémité, c'est montrer pour le sexe assez de fermeté. C'en est peut-être assez pour une âme commune qui du moindre péril se fait une infortune. Mais de cette faiblesse un grand cœur est honteux. Il ose espérer tout dans un succès douteux. Les deux camps sont rangés au pied de nos murailles. Mais Rome ignore encore comment perd des batailles. Loin de trembler pour elle, il lui faut applaudir. Puisqu'elle va combattre, elle va s'agrandir. Bannissez, bannissez une frayeur si vaine et concevez des vœux dignes d'une romaine. Je suis romaine, hélas, puisqu'Horace est romain. J'en ai reçu le titre en recevant sa main. Mais ce nœud me tiendrait en esclave enchaîné s'il m'empêchait de voir en quel lieu je suis née. Albe, où j'ai commencé de respirer le jour. Albe, mon cher pays et mon premier amour, lorsqu'entre nous et toi je vois la guerre ouverte, je crains notre victoire autant que notre perte. Rome, si tu te plains que c'est là te trahir, fais-toi des ennemis que je puisse haïr. Quand je vois de tes murs leur armée et la nôtre, mes trois frères dans l'une et mon mari dans l'autre, puis-je former des vœux et sans impiété importuner le ciel pour ta félicité? Je sais que ton état, encore en sa naissance, ne saurait sans la guerre affermir sa puissance. Je sais qu'il doit s'accroître et que tes grands destins ne le borneront pas chez les peuples latins, que les dieux t'ont promis l'empire de la terre et que tu n'en peux voir l'effet que par la guerre. Bien loin de m'opposer à cette noble ardeur qui suit l'arrêt des dieux et court à ta grandeur, je voudrais déjà voir tes troupes couronnées d'un pas victorieux franchir les Pyrénées. Va jusqu'en Lorient pousser tes bataillons, va sur les bords du Rhin planter tes pavillons, fais trembler sous tes pas les colonnes d'Hercule, mais respecte une ville à qui tu dois Romule ingrate. Souviens-toi que du sang de ces rois, tu tiens ton nom, tes murs et tes premières lois. Albe est ton origine, arrête et considère que tu portes le fer dans le sein de ta mère. Tourne ailleurs les efforts de tes bras triomphants. Sa joie éclatera dans l'heure de ses enfants, et se laissant ravir à l'amour maternel, ses vœux seront pour toi, si tu n'es plus contre elle. Ce discours me surprend, vu que depuis le temps qu'on a contre son peuple armé nos combattants, je vous ai vu pour elle autant d'indifférence que si d'un sang romain vous aviez pris naissance. J'admirais la vertu qui réduisait en vous vos plus chers intérêts à ceux de votre époux. Et je vous consolais au milieu de vos plaintes, comme si notre Rome eût fait toutes vos craintes. Tant qu'on ne s'est choqué qu'en de légers combats, trop faibles pour jeter un des partis à bas, tant qu'un espoir de paix a pu flatter ma peine, oui, j'ai fait vanité d'être toute romaine. Si j'ai vu Rome heureuse avec quelques regrets, soudain j'ai condamné ce mouvement secret. Et si j'ai ressenti dans ses destins contraires quelques malignes joies en faveur de mes frères, soudain, pour l'étouffer rappelant ma raison, j'ai pleuré quand la gloire entrait dans leur maison. Mais aujourd'hui, qu'il faut que l'une ou l'autre tombe, qu'Albe devienne esclave ou que Rome succombe, et qu'après la bataille il ne demeure plus ni d'obstacle au vainqueur, ni d'espoir au vaincu. J'aurais pour mon pays une cruelle haine si je pouvais encore être toute romaine, et si je demandais votre triomphe aux dieux, au prix de tant de sang qui m'est si précieux. Je m'attache un peu moins aux intérêts d'un homme. Je ne suis point pour Albe et ne suis plus pour Rome. Je crains pour l'une et l'autre en ce dernier effort, et serai du parti qu'affligera le sort. Égal à tous les deux, jusqu'à la victoire, je prendrai part aux maux, sans en prendre à la gloire. Et je garde, au milieu de tant d'âpres rigueurs, mes larmes aux vaincus et ma haine aux vainqueurs. Qu'on voit naître souvent de pareilles traverses en des esprits divers, des passions diverses, et qu'à nos yeux, Camille agit bien autrement. Son frère est votre époux, le vôtre est son amant. Mais elle voit d'un œil bien différent du vôtre son sang dans une armée et son amour dans l'autre. Lorsque vous conserviez un esprit tout romain, le sien irrésolu, le sien tout incertain, de la moindre mêlée appréhendait l'orage, de tous les deux partis détestait l'avantage, au malheur des vaincus donnait toujours ses pleurs et nourrissait ainsi d'éternelles douleurs. Mais hier, quand elle sut qu'on avait pris journée et qu'enfin la bataille allait être donnée, une soudaine joie éclatant sur son front... Ah, que je crains, Julie, un changement si prompt. Hier, dans sa belle humeur, elle entretint Valère. Pour ce rival, sans doute, elle quitte mon frère. Son esprit, ébranlé par les objets présents, ne trouve point d'absent aimable après 2 ans. Mais excusez l'ardeur d'un amour fraternel. Le soin que j'ai de lui me fait craindre tout d'elle. Je forme des soupçons d'un trop léger sujet. Près d'un jour si funeste, on change peu d'objets. Les âmes rarement sont de nouveau blessées, et dans un si grand trouble, on a d'autres pensées. Mais on n'a pas aussi de si doux entretien, ni de contentement qui soit pareil au sien. Les causes, comme à vous, m'en semblent fort obscures. Je ne me satisfais d'aucune conjecture. C'est assez de constance en un si grand danger que de le voir, l'attendre et ne point s'affliger. Mais certes, c'en est trop d'aller jusqu'à la joie. Voyez qu'un bon génie à propos nous l'envoie. Essayez sur ce point à la faire parler. Elle vous aime assez pour ne vous rien sceller. Je vous laisse. Ma sœur, entretenez Julie. J'ai honte de montrer tant de mélancolie. Et mon cœur accablé de 1000 déplaisirs cherche la solitude à cacher ses soupirs. Qu'elle a tort de vouloir que je vous entretienne. Croit-elle ma douleur moins vive que la sienne, et que plus insensible à de si grands malheurs, à mes tristes discours je mêle moins de pleurs? De pareilles frayeurs, mon âme est alarmée. Comme elle, je perdrai dans l'une et l'autre armée. Je verrai mon amant, mon plus unique bien, mourir pour son pays ou détruire le mien. Et cet objet d'amour devenir pour ma peine digne de mes soupirs ou digne de ma haine, hélas. Elle est pourtant plus à plaindre que vous. On peut changer d'amant, mais non changer d'époux. Oubliez Curias et recevez Valère. Vous ne tremblerez plus pour le parti contraire. Vous serez toute nôtre. Et votre esprit remis n'aura plus rien à perdre au camp des ennemis. Donnez-moi des conseils qui soient plus légitimes. Et plaignez mes malheurs sans m'ordonner des crimes. Quoiqu'à peine à mes maux je puisse résister, j'aime mieux les souffrir que de les mériter. Quoi, vous appelez crime un change raisonnable? Quoi, le manque de foi vous semble pardonnable? Envers un ennemi, qui peut nous obliger? D'un serment solennel, qui peut nous dégager? Vous déguisez en vain une chose trop claire. Je vous vis encore hier entretenir Valère. Et l'accueil gracieux qu'il recevait de vous lui permet de nourrir un espoir assez doux. Si je l'entretins hier et lui fis bon visage, n'en imaginez rien qu'à son désavantage. De mon contentement, un autre était l'objet. Mais pour sortir d'erreur, sachez-en le sujet. Je garde à Curias une amitié trop pure pour souffrir plus longtemps qu'on m'estime par jure. Il vous souvient qu'à peine envoyé de sa sœur par un heureux hymen mon frère possesseur, quand pour comble de joie il obtint de mon père que de ses chastes feux je serai le salaire. Ce jour nous fut propice et funeste à la fois. Unissant nos maisons, il désunit nos rois. Un même instant conclut notre hymen et la guerre. Fit naître notre espoir et le jeta par terre, nous ôta tout, sitôt qu'il nous eut tout promis. Et nous faisant amants, il nous fit ennemis. combien nos déplaisirs parurent l'or extrême, combien contre le ciel il vomit de blasphème, mais combien de ruisseaux coulèrent de mes yeux. Je ne vous le dis point, vous vîtes nos adieux. Vous avez vu depuis les troubles de mon âme. Vous savez, pour la paix, quels vœux a fait ma flamme, et quels pleurs j'ai versés à chaque événement, tantôt pour mon pays, tantôt pour mon amant. Enfin, mon désespoir parmi ces longs obstacles m'a fait avoir recours à la voix des oracles. Écoutez, si celui qui me fut hier rendu eut droit de rassurer mon esprit éperdu. Ce grec si renommé, qui depuis tant d'années au pied de l'Aventin prédit nos destinées, lui, qu'Apollon jamais n'a fait parler à faux, me promit par ses vers la fin de mes travaux. Albe et Rome, demain, prendront une autre face. Tes vœux sont exaucés, elles auront la paix. Et tu seras unie avec ton Curias, sans qu'aucun mauvais sort t'en sépare jamais. Je pris sur cet oracle une entière assurance, et comme le succès passait mon espérance, j'abandonnai mon âme à des ravissements qui passaient les transports des plus heureux amants. Jugé de leur excès, je rencontrai Valère, et contre sa coutume il ne put me déplaire. Il me parla d'amour sans me donner d'ennui. Je ne m'aperçus pas que je parlais à lui. Je ne lui pus montrer de mépris ni de glace. Tout ce que je voyais me semblait curias. Tout ce qu'on me disait me parlait de ses feux. Tout ce que je disais l'assurait de mes vœux. Le combat général aujourd'hui se hasarde. J'en sus hier la nouvelle et je n'y pris pas garde. Mon esprit rejetait ces funestes objets, charmé des doux pensées d'hymen et de la paix. La nuit a dissipé des erreurs si charmantes. Mille songes affreux, mille images sanglantes, ou plutôt mille amas de carnage et d'horreur, m'ont arraché ma joie et rendu ma terreur. J'ai vu du sang, des morts et n'ai rien vu de suite. Un spectre en paraissant prenait soudain la fuite, ils s'effaçaient l'un l'autre, et chaque illusion redoublait mon effroi par sa confusion. C'est en contraire sens qu'un songe s'interprète. Je dois croire ainsi, puisque je le souhaite. Mais je me trouve enfin, malgré tous mes souhaits, au jour d'une bataille et non pas d'une paix. Par là finit la guerre et la paix lui succède. Dure à jamais le mal s'il y faut ce remède. Soit que Rome y succombe ou qu'Albe ait le dessous, cher amant, n'attends plus d'être un jour mon époux. Jamais, jamais ce nom ne sera pour un homme qui soit ou le vainqueur ou l'esclave de Rome. Mais quel objet nouveau se présente en ces lieux? Est-ce toi, Curias? En croirais-je mes yeux? N'en doutez point, Camille, et revoyez un homme qui n'est ni le vainqueur ni l'esclave de Rome. Cessez d'appréhender de voir rougir mes mains du poids honteux des fers ou du sang des Romains. J'ai cru que vous aimiez assez Rome et la gloire pour mépriser ma chaîne et haïr ma victoire. Et comme également cette extrémité, je craignais la victoire et la captivité. Curias, il suffit, je devine le reste. Tu fuis une bataille à tes vœux si funestes, et ton cœur tout à moi, pour ne me perdre pas, dérobe à ton pays le secours de ton bras. Qu'un autre considère ici ta renommée, et te blâme s'il veut de m'avoir trop aimé. Ce n'est point ta Camille à tant mésestimer. Plus ton amour paraît, plus elle doit t'aimer. Et si tu dois beaucoup aux lieux qui t'ont vu naître, plus tu quittes pour moi, plus tu le fais paraître. Mais as-tu vu mon père? Et peut-il endurer qu'ainsi dans sa maison, tu t'oses retirer? Ne préfère-t-il point l'État à sa famille? Ne regarde-t-il point Rome plus que sa fille? Enfin, notre bonheur est-il bien affermi? T'a-t-il vu comme gendre ou bien comme ennemi? Il m'a vu comme gendre, avec une tendresse qui témoignait assez une entière allégresse. Mais il ne m'a point vu par une trahison indigne de l'honneur d'entrer dans sa maison. Je n'abandonne point l'intérêt de ma ville. J'aime encore mon honneur. En adorant Camille, tant qu'a duré la guerre, on m'a vu constamment aussi bon citoyen que véritable amant. D'Albe avec mon amour, j'accordais la querelle. Je soupirais pour vous en combattant pour elle. Et s'il fallait encore que l'on en vînt au coup, je combattrais pour elle en soupirant pour vous. Oui, malgré les désirs de mon âme charmée, si la guerre durait, je serais dans l'armée. C'est la paix qui chez vous me donne un libre accès. La paix